Salam. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce rendez-vous. Un seul grand titre pour cette édition spéciale de ce 16 décembre 2021. Nous vous proposons l'état des lieux de l'environnement, spécialement comment se présente la couverture forestière des collines à travers le pays. Le constat général est que la plupart de ces dernières sont dénudées et que donc une reforestation s'impose. Et pour cela, vous entendrez des analyses des experts ainsi que certaines initiatives publiques ou privées dans ce sens. Ce journal est mis en onde par Eli Kadoko. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, comme je venais de le dire, on plante le décor d'abord. La réserve naturelle forestière de Vianda à Cheval sur les collines de les communes de Vianda et Romangue n'a plus de superficie qu'elle avait lors de sa restauration. À l'origine, ce sont des familles installées à l'intérieur, soi-disant que ce sont les propriétés de leurs ancêtres pour les unes et des propriétés achetées pour les autres, selon les responsables de sa protection. Les protecteurs de l'environnement dans cette localité trouvent que le gouvernement burundais est le seul capable de vider définitivement cette question de ces familles pour rendre effective la restauration de cette réserve. Jean-Pierre Misako. Sur la colline Nyakuguma, une des collines de la commune Rumonge, frontalière avec la réserve naturelle forestière de Vianda, des champs de culture sont installés à l'intérieur de cette réserve, même si l'on sait qu'il s'agit d'une aire protégée, comme le dit Eugénie, une habitante à la lisière de cette réserve. De son côté, Jean Hambukiye dit ne pas avoir d'autre choix face au manque criant de terres cultivables. Ceux-là qui se sont exprimés disent que l'important est de préserver les arbres et déclarent ne pas être au courant d'une quelconque coupe illicite des arbres. Malgré leur déclaration, Gaspard a été attrapé à l'intérieur de cette réserve procédant au titulaire de son champ de haricots. Il déclare exploiter une propriété achetée par son père. Pour Emery Nyokushima, employé de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, responsable de la protection de cette réserve, la restauration de cette réserve passera par le gouvernement burundais qui décidera du sort des 300 ménages installés à l'intérieur, appuyant ainsi les efforts locaux. De leur côté, Cédric Tuiseng de l'association Conservation et Communauté de Changement dit qu'à côté de la sensibilisation de la population riveraine de cette réserve, cette association appuie dans la surveillance de cette réserve. Il y a une convention entre l'Office burundais pour la protection de l'environnement et notre organisation, la 3C. Dans cette convention, on a donné 3 individus qui aident les écogardes de cette réserve à surveiller cette réserve pour qu'elle ne continue pas de se dégrader. Tout comme Nyokushima, Tuiseng dit que le gouvernement burundais devra prendre le devant dans la restauration de cette réserve. À défaut de quoi, les 4670 hectares de cette réserve lors de sa création ne resteront que dans les écrits. Jean-Pierre Misago de Nyakuguma, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Et les habitants de la province de Bobanza, surtout ceux de la plaine, s'inquiètent de la hausse progressive du prix du charbon de chauffage et pensent que cela peut continuer si rien n'est fait pour protéger l'environnement et planter beaucoup d'arbres. Ils demandent à l'État de renforcer le contrôle et la protection des forêts. Pescaritas Cavagnana. Selon les habitants de Gihanga contactés, le charbon devient de plus en plus cher suite à la diminution des arbres sur les collines. Un sac de charbon qui coûtait 18 à 20 000 francs l'année passée coûte aujourd'hui 30 à 35 000 francs de plus. Beaucoup de personnes qui ne parviennent pas à acheter le charbon utilisent actuellement les résidus des graines de palmier à huile pour faire la cuisson ou encore les épluchures du riz décortiqué. Ces habitants pensent que l'ensoleillement prolongé qui détruit même les cultures actuellement est la conséquence de la diminution des forêts et des plantations d'arbres. Il demande à l'État de renforcer de plus la surveillance et la protection des forêts. Ceux qui veulent construire des maisons en bois sont obligés d'en faire une commande à partir d'autres provinces et le bois d'eucalyptus coûte un prix variant entre 3 000 à 8 000 francs sur différents points de vente que nous avons visités à Gihanga, Manda et Muzida. Spes Caritas Kamanyana Kubanza Radio Isanganiro. Et le directeur de l'Office burundais pour la protection de l'environnement dans la province de Gitega demande à ceux qui coupent les arbres pour l'échafaudage dans les chantiers de construction de ne pas pratiquer la coupe rase, mais la coupe sélective. C'est au moment où ceux qui coupent les eucalyptus utilisés pour l'échafaudage augmentent dans la province de Gitega. Et ceux qui coupent ces arbres disent qu'ils le font en suivant les normes, tout en demandant d'être approvisionnés en pépinières pour pouvoir remplacer les arbres coupés. On fait le point avec Arthur Kavaouchi. Ces arbres qui sont coupés et qui sont vendus par la suite, ceux qui les coupent disent qu'ils le font en respectant les normes. Nous les coupons en suivant les règles, c'est-à-dire que nous avons une façon de nous organiser en plantant toujours des arbres sur les collines pour que ceux qui sont coupés soient remplacés par ceux qui sont en train de pousser. Cependant, ils demandent d'être appuyés en pépinière de remplacement de ceux qui sont coupés, étant donné que ceux qui sont coupés dépassent largement ceux qu'ils plantent. Nous demandons qu'une association nous appuie en nous donnant un capital, car notre engagement est de couper un arbre et en planter 5. Nous nous heurtons à un manque de moyens pour pouvoir planter plus d'arbres proportionnellement à ce que nous coupons. Le directeur de l'Office burundais pour la protection de l'environnement dans la province de Gitega, Tungimana Jean-Marie, indiquait que là où il les autorise la coupe, cette coupe doit être sélective. Vous voyez que dans la ville de Gitega, il y a autant de constructions qui nécessitent des échafaudages. Donc, et nous avons reçu beaucoup de demandes de coupes ici et là. Et ces coupes sont autorisées. Seulement, nous les demandons de pratiquer la coupe sélective. C'est-à-dire de ne pas pratiquer cette coupe rase. Hatungimana Jean-Marie lance un appel aux administratifs et riverains de nouvelles routes macadamisées, de protéger les arbres qui ont été plantés par les projets qui ont réhabilité ces routes, car une fois ces arbres coupés, ces routes seraient menacées d'extinction. Depuis Gitega, Tukavabushi, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. La suite de ce journal, les forêts publiques ou privées doivent être protégées contre toute forme de dégradation ou de destruction. Cela ressort de la loi du 25 mai 2021 portant code de l'environnement. L'article 110 stipule que les forêts doivent être protégées et exploitées en tenant compte de leur impact sur l'environnement burundais. Ornella Mouch. Les forêts doivent être protégées contre toute forme de dégradation ou de destruction résultant, notamment de défrichement abusif, de pollution, d'incendie, de surexploitation agricole ou de surpâturage, de maladies ou d'introduction d'espèces inadaptées, comme c'est prévu par l'article 111 du Code de l'environnement actuel de la République du Burundi. À l'article 112, il est interdit de procéder à quelque défrichement, que ce soit de forêt ou de boisement, ayant fait l'objet de plans d'aménagement, sauf sur autorisation. Dans ce même code, les terres domaniales ne peuvent faire l'objet de cessions ou de concessions à des personnes privées sur base des dispositions du Code foncier du Burundi. Lorsque la préservation de l'équilibre écologique l'exige, tout boisement ou forêt, quels qu'en soient les propriétaires, peut être classé comme forêt de protection ou réserve forestière dans les conditions prévues par les dispositions du Code forestier. Il en est de même de l'institution de périmètre de reboisement sur les terres domaniales. La décision implique l'interdiction avant le déclassement de tout changement d'affectation ou de tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la qualité du boisement ou de la forêt. Le classement est établi après une procédure d'enquête publique menée par l'administration de l'environnement en collaboration avec les autres services administratifs. Les modalités de cette procédure sont fixées par une ordonnance du ministre en charge de l'environnement. Et lorsque la décision de classement prévue à l'article 114 occasionne un préjudice certain et donne lieu à une indemnité au profit des propriétaires ou des ayants droit affectés par la mesure dans les conditions et suivant les modalités établies par la décision de classement elle-même. Ornella Mucho. Parlons maintenant de cette initiative privée de la coopérative Amakara Bio Arts, 6 à Charama, à Mairie de Bujumbura, qui a inscrit dans ses principaux objectifs la protection de l'environnement et la contribution à la réduction du taux de chômage. Après un peu plus d'une année dans la fabrication du charbon, ils affirment qu'ils parviennent à satisfaire eux-mêmes à leurs besoins fondamentaux. Et toutefois, ils disent qu'il leur manque du matériel performant pour satisfaire leur clientèle et sollicitent aussi un soutien financier. Jérôme Hakiziman. Ces membres de la coopérative Amakara Biot, Sizacharama, mairie de Bujumbura, fabriquent du charbon sur base de déchets ménagers. Christian Nzeimana et l'un d'eux relatent comment ils procèdent. Le charbon que nous fabriquons à base de déchets verts, nous les mélangeons avec d'autres produits qui ne sont pas chimiques, qui sont bons pour la santé humaine. Pour ne citer que deux, nous mélangeons avec de la matière verte, des plantes, que nous carbonisons, puis de l'argile et bien d'autres produits. Le coût de ce charbon est abordable. En témoigne Christian, un guste d'exemple. Après avoir produit, nous avons eu beaucoup de demandes. On a testé, tout le monde a aimé ça. À Moutkwendi, on utilisait 4 sacs de charbon par jour, mais avec notre charbon, un seul sac suffit. La protection de l'environnement et la réduction du taux de chômage sont certains de leurs principaux objectifs auxquels ils aspirent. Nous créons de l'emploi pour les jeunes, pour même les femmes, mais aussi nous protégeons l'environnement. Ce qui est très important parce qu'en coupant les arbres, il y a des conséquences que peut-être beaucoup de gens ne savent pas, ou bien qu'ils savent et qu'ils négligent. Alors, ce que nous faisons, par ce fait, nous rappelons à tout le monde à quel point c'est important et nous incitons à tout le monde d'en faire des efforts. Toutefois, le manque de machines automatiques reste un défi majeur auquel ils se heurtent, freinant par conséquent la satisfaction à la toute demande jusqu'ici déjà supérieure à l'offre et demande d'être venu en aide. Le moyen dont nous utilisons aujourd'hui, c'est manuel. Nos machines sont manuelles. Alors, nous avons besoin de machines automatiques pour multiplier la production, pour créer plus d'emplois, pour avancer. Que l'État nous aide en nous procurant des machines automatiques. Parce que si nous avions des machines automatiques, la production serait grande et beaucoup de gens auraient du travail. Maintenant, nous employons 12 personnes. Ces membres de la coopérative Amakara Biot vont savoir qu'ils parviennent néanmoins à satisfaire eux-mêmes à leurs besoins fondamentaux et appellent aux autres à s'organiser en coopérative pour entreprendre afin d'atteindre au développement. Et selon l'analyse d'Athanase Nzimana, expert et professeur à l'Université du Burundi, professeur à l'Université du Burundi en sciences géographiques et environnement et de la population, selon lui, la dégradation du sol et les changements climatiques sont les conséquences du déboisement. Le gouvernement devrait donc appuyer les jeunes entrepreneurs qui transforment les déchets ménagers dans des substituts du charbon et cela diminuerait la demande du charbon en bois. Suivez-le. Les collines ou les montagnes qui sont déboisées, on les reconnaît par le fait qu'il y ait le phénomène d'érosion qui s'est intensifié, mais également on peut le connaître aussi par l'état du sol, mais également aussi par la dégradation du sol, donc je dirais la diminution du rendement agricole. Quelles sont les solutions proposées pour protéger La première des solutions serait d'abord d'encourager la population à avoir la conscience, d'abord aussi de pratiquer la politique de reboisement, au moins que chaque ménage puisse planter X arbres et puis que toute la population soit consciente à la matière et dans ce cas aussi changer aussi le mode de vie. Là, je soulignerai l'usage du charbon de bois. Au lieu d'utiliser le charbon de bois, peut-être aussi chercher à recourir à d'autres types de combustibles. On peut par exemple utiliser le charbon issu des déchets multivariés, des déchets ménagers ou des déchets autres. Je me dis qu'il y a aussi certains jeunes qui ont commencé cette initiative. On pourrait peut-être demander au gouvernement de pouvoir donner un appui à ces jeunes qui ont initié une bonne idée de pouvoir sauvegarder, n'est-ce pas, à l'environnement et surtout aussi sauvegarder nos forêts. C'était l'analyse d'Athanase Nzimana, expert et professeur à l'Université du Burundi au micro de Lydie Gahimbare. Et selon le constat de l'expert en environnement savant Sabu Mukiza, une politique bien suivie s'avère nécessaire pour une bonne protection de l'environnement. Il trouve que l'augmentation de la population constitue une entrave à la protection de l'environnement. Et donc pour lui, il faut agir. pour la protection des forêts, pour la protection de l'environnement. Il y a beaucoup de choses à faire. Le premier défi, c'est la limitation des naissances. Absolument, il doit y avoir une politique vraiment de limitation des naissances. Sinon, même tous les efforts qu'on pourrait envisager, ça sera toujours difficile parce que chaque bouche qui naît a besoin de manger. En mangeant, c'est-à-dire qu'on crée de nouvelles terres, on se rabat sur de nouvelles terres alors qu'on n'en avons pas. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est la gestion durable. La gestion durable des terres, la gestion durable des forêts. C'est l'aménagement des terroirs, l'aménagement des bassins versants, l'aménagement des marais. La gestion des forêts, c'est quoi? La gestion, c'est l'optimisation des rendements au niveau de la carbonisation, c'est l'optimisation des rendements au niveau du bois d'œuvre, et l'optimisation des rendements au niveau même des coupes du bois d'œuvre ou du bois de service ou du bois d'énergie. Il est vrai, le gouvernement a mis en place une politique, disons, de coupe de bois, de coupe de forêt réglementée au niveau des communes, mais il y a beaucoup de choses à faire. Allez voir, dans les collines, on coupe des arbres, disons, pour les perches ou pour même le charbon. À 2 ans, à 3 ans, ça, c'est vraiment inexplicable. Je pense qu'il faut vraiment une politique vraiment musclée pour que toutes ces choses-là se mettent en place. Et après ces analyses des experts, qu'en pensent les officiels? D'abord, à l'ONATUR, l'Office national de la tourbe, l'on nous informe que la production annuelle de la tourbe oscille entre 10 000 et 15 000 tonnes. Et elle se fait pendant une période de 3 mois, selon le directeur technique de l'Office national de la tourbe. Il précise que l'entreprise profite de l'été et que cette production dépend également de la demande, dont la principale est celle de l'armée nationale. Jean Bosco Niongawo souligne toutefois qu'ils sont en train de développer un projet de carbonisation des briquettes de la tourbe pour que le produit soit utilisé même par les ménages comme autre source d'énergie. La production actuellement est fonction de la demande. Nous avons annuellement une production qui oscille entre 10 et 15 000 tonnes de tourbe. Et là, c'est parce que nous avons à peu près 10 000 tonnes qui vont à l'armée. La production s'étend seulement sur 3 mois. C'est-à-dire nous ne produisons que pendant la période d'été. Nous avons 5 chantiers sur lesquels on exploite actuellement. Mais je n'ai pas dit que c'est le seul chantier où on peut trouver de la tourbe. Pour que notre produit soit utilisable par tout le monde, nous sommes en train d'améliorer la tourbe pour qu'elle soit utilisée par les ménages afin de limiter effectivement la déforestation et l'utilisation du bois de chauffe qu'on remarque tout le temps. C'est une activité qui nous tient vraiment à cœur actuellement. Notre client principal, c'est l'armée, force de défense, la police à moindre mesure, la société Bousseco qui utilise aussi de la tourbe. Il y a également la FOMI aussi qui utilise de la tourbe. Et de temps en temps, quelques personnes, quelques sociétés qui viennent acheter en quantité minimale de la tourbe. Oui. Le prix est fonction de beaucoup de choses. Il y a d'abord la distance sur laquelle la personne veut le produit. Par exemple, pour notre client qui est la force de défense, l'armée, le prix est fonction de là où on va livrer le produit. Le prix à Bujumbura n'est pas le même que le prix à une division militaire qui est à l'ouest ou à l'est ou au centre. Et il y a des clients aussi où on doit emballer le produit. De manière générale, ça aussi entre 220 et 400. Jean Bosco Niongabo, directeur technique de l'ONATUR, l'Office national de la tourbe, dont les propos ont été recueillis par nos confrères, de l'hebdomadaire Burundi Echo. Enfin, le programme national de reboisement Ewe Burundu Rambaye constitue une valeur ajoutée dans la protection de l'environnement, comme le reconnaît le directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBPE. Après la révision du Code de l'environnement, Berkman Satungimana espère que la protection va s'améliorer davantage. On l'écoute. Le Code de l'environnement qui vient d'être révisé date de 2000. Après 20 ans d'existence, il y a eu beaucoup de changements en matière de protection de l'environnement. Vous avez vu, mais aussi il y a donc des phénomènes qui, jadis, n'étaient pas observés, mais qui pour le moment sont observés. C'est la raison pour laquelle on a songé donc à réviser donc le code de l'environnement. Et parmi les lacunes pour le premier code, il y avait les principes modernes de base régissant la gestion de l'environnement qui faisaient défaut. Il y avait aussi le grand défi qui est le manque de financement donc du secteur donc de l'environnement. Ce sont donc toutes ces dispositions qui ont fait que le code soit revu pour qu'il puisse s'accommoder avec la situation actuelle du pays. Aussi, pour que le code de l'environnement puisse être opérationnel, nous sommes en train donc d'élaborer les textes d'application et qui vont nous permettre bien d'appliquer le nouveau code de l'environnement. Je dirais que l'appréciation est tellement positive. Et surtout que le gouvernement a pris beaucoup de mesures à radar dans le sens de la protection de l'environnement. Aussi, nous remercions donc la venue du programme national de reboisement et de l'Ambaye, puisqu'il est venu et mettre donc les choses dans l'ordre. Puisqu'avec ce programme, il y a donc une prise de conscience de la population, de l'administration, donc tous sont ensemble. Ce sont donc des actions qui donc au niveau de l'Office pour la protection de l'environnement que nous trouvons vraiment qui sont venus pour apporter donc une valeur ajoutée sur la protection de l'environnement. C'était le directeur général de l'environnement qui met fin à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je rappelle que c'était une édition spéciale consacrée à l'état des lieux de l'environnement, spécialement comment se présente la couverture forestière des collines à travers le pays. Le constat général étant que la plupart de ces dernières sont dénudées et que donc une reforestation s'impose. Merci à vous tous d'avoir suivi avec intérêt ce journal qui a été mis en onde par Elie Kadogo. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Passez un très bon après-midi.